Elle est en quinze brins, ma ceinture de laine. Elle est en quinze brins, ma ceinture de lin. Je n'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je n'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je la fis monter derrière moi sur ma selle. Elle est en quinze brins. Ma ceinture de laine, elle est en quinze brins, ma ceinture de lin. Je fis bien sans lieu, sans parler avec elle. Je fis bien sans lieu, sans parler avec elle. Au bout de cent lieues, elle demandit d'avoir, elle est en quinze brins. Ma ceinture de laine, elle est en quinze brins, ma ceinture de lin. Je l'ai menée à la claire fontaine, je l'ai menée à la claire fontaine. Une fois rendue, elle ne voulait plus boire, elle est en quinze brins. Ma ceinture de laine, elle est en quinze brins, ma ceinture de lin. Je l'ai menée au logis de son père, je l'ai menée au logis de son père. Une fois rendue, elle buvait à plein verre, elle est en quinze brins. Ma ceinture de laine, elle est en quinze brins, ma ceinture de lin. À la santé de son père et de sa mère, à la santé de son père et de sa mère, à la santé de toute la compagnie, elle est en quinze brins. Ma ceinture de laine, elle est en quinze brins, ma ceinture de laine.